How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. The Next Episode, c'est le programme commun que nous proposaient en 2001 le Dr Dre et le Snoop Dogg. Parce que le Moyen-Âge, c'est une succession d'épisodes à rebondissements. Thierry ! Thierry ! C'est horrible ! C'est horrible ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Tu ne devineras jamais ! C'est terrible ! Oh, ils ont enlevé Isabelle. Oui, comment le sais-tu ? Un épisode sur deux, c'est comme ça. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc revêtu une superbe chince et un très beau blio afin d'entamer illico une petite balade surréelle au cœur de plus de 1000 ans d'histoire, s'étalant de la fin de l'Empire romain à la Renaissance. Tu l'auras compris, l'ami, ce matin, on déménage au Moyen-Âge. Et pour commencer notre exploration de cette époque extraordinaire, il est nécessaire de revenir durant quelques minutes sur l'originalité des relations sociales de la période médiévale, à savoir l'ordre seigneurial, bien sûr. Ainsi, suite au démembrement de l'Empire carolingien par les petits-fils de Charlemagne, apparaît un système original, celui de la féodalité. En gros, le suzerain assure la protection de son vassal et lui confie un fief, en échange de quoi le vassal lui doit foi et hommage, c'est-à-dire une fidélité sans faille et une aide au combat. Enfin, une fidélité sans faille, parfois, il y a des bas. Majesté, je m'excuse de m'initier là, hein, mais quand même, je pense que au niveau des libertés, il faudrait quand même y aller, comme on dit, mollo polo, hein, parce que le peuple, qui donne ça, il veut les deux. Et puis nous, on est embêtés, quoi, hein. Bah, sauf le respect, si je m'excuse. Ouais, bon, ça va, asseyez-vous maintenant. Non, à cause du cheval, merci. Oh. Non, parce que... Hein ? Et en effet, les seigneurs médiévaux sont toujours à cheval dans les multiples guerres locales, car la féodalité est un système complexe où un seigneur peut être à la fois le vassal de plusieurs autres seigneurs, mais aussi le suzerain de plusieurs autres vassaux, et il est parfois impossible d'être fidèle quand deux de ses propres suzerains se livrent bataille. Ainsi, le Moyen-Âge est une période d'émiettement du pouvoir, et cela malgré l'existence, au sommet de la pyramide féodale, du souverain, en gros, le suzerain de tous les suzerains. Et pourtant, le roi n'est alors que le chef de son propre domaine, une minuscule portion de France autour de Paris. En route et commençons notre récit, à dater de l'époque où, sans cesser d'être une cible, Paris devint un point de mire. Cela fait l'an 1000. Oui, à peu de choses près. Or, qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240? C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris? C'est toujours Notre-Dame. Avec tout le reste aussi bien sûr et qui l'entoure. Mais il n'empêche que toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame. Kilomètre zéro. Oui, kilomètre zéro. Mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Le Moyen-Âge, c'est donc la longue quête des rois de France pour rallier à leur domaine un maximum de fiefs, et cela à coups d'alliances matrimoniales, de combats et d'intimidations. Et en même temps, pour canaliser la violence de l'aristocratie guerrière, les rois favorisent les tournois. Pour mettre fin aux querelles qui épuisent notre royaume, notre roi a décidé d'opposer en combat singulier Sire Renard, châtelain de Malpertuis, et son ennemi, Sire le Loup. Le match qu'on peut qualifier de match du siècle, mon cher auditeur, sera arbitré par le grand spécialiste des combats singuliers, Messire l'Ours. Ah, le loup est entré en lice et l'arrivée du renard est saluée par des mouvements divers. Le renard porte une superbe cape, il est en train de l'enlever, il apparaît dans une armure éblouissante. Il salue, il a fière allure, il faut le dire. Le loup a l'air féroce. C'est ainsi qu'au cours du Moyen-Âge, les rois de France affirment leur pouvoir face aux féroces chevaliers. Mais il n'y a pas que le roi qui cherche à s'imposer. Le pape aussi, bien sûr. Sans cesse en lutte contre de nouvelles hérésies telles les cathares, l'Église cherche elle aussi à asseoir son autorité et à canaliser la violence des chevaliers. La paix de Dieu, mais surtout les croisades, peuvent se comprendre comme la volonté du pape de reprendre la main. La société médiévale, fondée sur la loi du plus fort, ne trouve de véritable unité que dans sa foi religieuse. Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. L'Église catholique est toute puissante. Propriétaire de terres immenses, elle est riche. Alors elle impose sa volonté aux puissants comme aux faibles. C'est par le baptême de Clovis que la France est devenue fille aînée de l'Église. Les faits sont là. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. En faisant de Clovis le premier souverain chrétien, cet événement a eu des conséquences importantes sur le destin de la France et sur la christianisation de l'Europe. Vous, vous êtes croyant ? Prudent. Dans l'incertitude, je prends une assurance. Ça coûte si peu. Par conséquent, au cours du Moyen-Âge, tout comme le roi, le pape consolide son pouvoir, aidé en cela par les grands monastères. La société féodale induit donc un ordre politique original qui codifie les relations entre les seigneurs, que l'on caricature trop souvent comme étant de lourds guerriers qui se collent mutuellement des raclées. Alors que la société médiévale, c'est aussi le temps de l'amour courtois, où les preux chevaliers savent parler aux gentes damoiselles. Oh mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Pays pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. J't'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Parle à ma main, c'est bon, tu me lâches. Allez mademoiselle, balance ton numéro. Parle à ma main, maintenant dégage. Tu es la classe, t'as gagné, j'te lâche mon numéro. L'amour courtois reste cependant en grande partie une construction littéraire, car les relations humaines étaient peut-être plus simples au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Et puis, à côté des clichés médiévaux qui mettent sans cesse les chevaliers à l'honneur, il y a un personnage qu'il ne faudrait tout de même pas oublier. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, dort sous le temps. Eh oui, les serfs, présentés de manière négative dans les chansons de gestes, sont les oubliés de l'ordre seigneurial. Et si la féodalité est vidée de son sens à la fin du Moyen-Âge, il faut attendre la nuit du 4 août 1789 et l'abolition des privilèges pour que les paysans puissent jouer le requiem du système féodal. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non ? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Requiem pour un con, une œuvre interprétée en 1967 par le troubadour Serge Gainsbourg. Sache que le premier requiem polyphonique fut écrit en 1480 pour la mort de Charles VII, le roi de Jeanne la Pucelle. Une donzelle à qui Gainsbourg aurait sans doute fait goûter des sucettes à la nie. À

qui leur permet de penser aux autres avant eux-mêmes. Si vous tombez sur trois mecs qui tapent sur un seul, vous êtes toujours du côté de celui qui est tout seul, peu importe ce qu'il a fait. Ah bon ? C'est marrant parce que mon père, il a une phrase presque pareille. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Foundations, c'est la nouvelle ballade de Kate Nash. Parce que les foundations de l'idéal chevaleresque, c'est la Kate du Graal que tu dois entreprendre avec panache. Alors maintenant, à 11h32, afin de prolonger nos aventures au temps des Visigoths et des Ostrogoths, la panique au Mangin Palace te propose de découvrir cet étrange conte médiéval où se mêlent chevaliers, pucelles et bouffons. En l'an de grâce 1981, le chevalier Mitterrand fut l'unique socialiste qui parvint à extraire Excalibur de son enclume. Intronisé roi des Francs, Mitterrand ne tarda point à s'entourer de preux chevaliers qu'il installa autour d'une table ronde à l'hôtel de Matignon. Parmi eux, nous comptions le valeureux Perceval de Mauroy et le fidèle Lancelot de Badinter. Tous avaient prêté serment. Quand, un matin du mois de septembre, au château, l'un des vassaux, le chevalier Attali, apporta une missive à François Mitterrand. Une lettre pour Sa Majesté. C'est encore de cette fille qui s'est surnommée la Pucelle de Lorraine. Elle se prétend envoyée par Dieu. Elle dit qu'elle se présentera demain. Refusez de la recevoir, Monseigneur. On ne sait pas qui c'est. Il se pourrait que ce soit un piège. Regardez, c'est signé X. A-t-on idée de s'appeler X ? Une messagère de Dieu n'est-elle pas capable d'écrire son patronyme ? Très moyen raison, Monseigneur. Elle dit entendre des voix. C'est peut-être une sorcière. Possédée. Régnon, vous voyez des sorcières partout. Ce n'est qu'une paysanne. Une paysanne qui aime son roi. Plus que ça. C'est ainsi que le lendemain, le chevalier Mitterrand reçut en son fief la jeune Ségolène de Lorraine qui arrivait d'Épinal. Après qu'elle ait immédiatement reconnu Mitterrand, alors qu'il s'était dissimulé parmi les autres chevaliers du château, le souverain, sous le charme, décida d'en faire une conseillère à la table ronde socialiste. Et c'est ainsi que pendant 15 ans, François Mitterrand régna d'une main de maître sur le socialisme français. C'est alors que dans la nuit du 8 janvier 1996, in articulo mortis, le roi Mitterrand fit venir à son chevet son fidèle Mauroy afin de lui confier une ultime mission. Perceval, prends Excalibur, trouve une eau profonde, une eau calme, limpide, et jette l'épée tout au fond. Non. Obéis-moi, Perceval. Obéis et reviens. Un jour, un roi viendra et l'épée surgira à nouveau. C'est ainsi que depuis l'an de grâce 1996, les socialistes français sont des chevaliers orphelins sans aucun leader véritablement charismatique. Certains ont bien tenté de relever l'étendard, tel le chevalier Jospin, mais sans grande conviction. Bon, quoi de nouveau au Conseil des ministres ce matin ? Ah, sire, nous devons étudier les conditions dans lesquelles votre majesté pourra laisser son nom à la postérité. Vous pouvez débarrasser ! Il faut pour cela qu'elle accomplisse un acte exceptionnel qui fasse parler. Par exemple, Clovis s'est fait baptiser, on en parle encore. Moi aussi, je suis baptisé. Oui, mais lui, c'était le premier. Et puis, surtout, il a cassé le vase de Soissons. Ça, on le sait, vous n'avez pas besoin de le dire. Ça n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Ah, n'empêche que ça aussi, on continue d'en parler. Oui, mais ça suffit. Ah, hein, c'est fini. Elle est terminée. Pas la peine. Résultat pour le chevalier Lionel de Rais. La postérité sera surtout celle d'une défaite mémorable lors d'un tournoi pathétique qui eut lieu le 21 avril 2002 où son armure céda dès le premier combat. Transpercé, il chuta de son destrier. C'est à ce moment-là que Ségolène de Lorraine se mit à nouveau à entendre des voix. À quelques pas d'ici, seul devant les deux questions meurtrières, Jeanne, êtes-vous en état de grâce ? Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Et surtout la réponse illustre. Lorsque Saint-Michel vous apparut, était-il nu ? Croyez-vous Dieu si pauvre qu'il ne puisse vêtir ses anges ? Persuadé d'être l'élu, Ségolène de Lorraine prit la décision à son tour d'essayer de relever la bannière de la rose au poing. Seulement voilà, très vite, elle fut condamnée à être brûlée sur le bûcher des vanités socialistes. Résultat, depuis quelques mois maintenant, l'ambiance est exceptionnelle à la table ronde dirigée par le redoutable chevalier Hollande. Je serais bien content de savoir qui c'est. Que pendant que je dormais, et que nous récupérions des fatigues bien méritoires que j'accumule tout au long de mes journées de travail, qui sont pas plus rigolotes pour moi et pour vous, et qu'en plus je dormais, de savoir le traître, que dis-je, le salopard, qui a tiré dans mon lit. Oh ! Imbécile ! Je vous préviens, si par hasard ça se reproduisait... Non, imbécile ! Et que je sois tué, même légèrement, je vous préviens, je suis le roi de France, ça va aller très loin. Il est fou ? Non, il n'est pas très malin. Comment ? Non, rien. Je préfère. C'est ainsi que depuis peu, face au déchirement de la confrérie des bouffons socialistes et devant l'apathie Jean-Michel dont ils font preuve, le prévôt des marchands de Paris, Bertrand Ivanhoé, a décidé de réagir. Dans le plus grand secret, il vient de réunir autour de lui quelques fidèles chevaliers dans l'unique espoir de retrouver l'essence authentique du socialisme. Dorénavant, afin de nous souvenir de nos liens, nous formerons toujours un cercle pour écouter et raconter nos hauts faits. Je ferai construire une table ronde où viendra s'asseoir notre confrérie. Cette table sera dans une grande salle, et cette salle immense dans un château. Et notre terre aura un héritier qui brandira Excalibur. Chevalier de la table ronde. Mais avant de bâtir une nouvelle table ronde, le prévôt des marchands de Paris, le chevalier Bertrand Ivanhoé, sait qu'aujourd'hui sa priorité consiste avant tout à empêcher le retour de Ségolène de Lorraine. Une lutte sans merci. C'est pourquoi il ne cesse de la traquer sur ses terres. Mais dans sa quête, Bertrand Ivanhoé doit affronter désormais la flagornerie du maraud militant Poitevin. Qu'êtes-vous donc ? Chevalier suis. Jamais chevalier ne connu par mon âme, ni nul n'envie, et jamais parlé n'en oui. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Vis-tu par la lande passer Saint Chevalier, Trois Pucelles ? Vous qui avez nom chevalier, quel est cela que vous tenez ? Ah, me voilà fort bien tombé. Je croyais, mon beau doux ami, à prendre nouvelle de toi, et tu les veux ouïr de moi. Je te le dirai, c'est ma lance. Dis-moi si tu sais où ils sont, et les pucelles, les vis-tu ? En effet, le maraud militant Poitevin est coriace. Il demeure un sujet loyal à Ségolène de Lorraine. Jamais il ne dira à ses adversaires où elle se cache. Cela dit, il y a 15 jours, Bertrand Ivanhoé a retrouvé la trace de Ségolène de Lorraine, puisqu'elle s'est mise en scène chez le bouffon du roi. C'est pas grave de changer de vie, c'est toujours douloureux, parce que dans la couple, il y en a toujours un qui change de vie, l'autre qui subit, ce qui est insupportable pour moi. De toute façon, c'est des situations de bigamie qui continuent, ça, je ne veux pas de ça, et en même temps, bah, c'est légitime aussi que quelqu'un tombe amoureux d'un autre, fasse une vie, mais ce qui est, je crois, horrible pour tous ceux qui l'ont connu, c'est le manque de vérité et c'est le mensonge, parce que là, on ne peut plus rien négocier entre adultes, ouais. Le sol se dérobe sous vos pieds. Et c'est la première fois, Michel Drucker, que j'en parle aussi librement parce que j'avais pas encore assumé ça. Et aujourd'hui, ça y est, c'est cicatrisé. Eh oui, devant une telle exposition médiatique de sa rivale et devant cette flopée de révélations essentielles destinées bien sûr à toucher le cœur des Francs, le chevalier Bertrand Ivanhoé se devait de réagir immédiatement. Sa tactique fut d'un grand classique et pour démontrer sa bravoure, il décida cette semaine de s'attaquer à l'ennemi héréditaire du royaume. Bon. Allô, la BBC ? Fuck you ! Bah quoi ? La dernière fois que j'ai insulté les Anglais, j'ai fait le 20h trois fois de suite. Voilà, j'arrive les potes, je vais mettre ma culotte, puis enfiler mes bottes et endosser ma grosse cotte. J'ai fini mon petit somme, je me passe du baume, je vais coiffer mon home, les Amerlocos. On arrive, on arrive. Oh, tu vois les bitches ce soir. Du calme. Et maintenant, voici l'épilogue de ce conte médiéval. Visiblement, la lutte pour récupérer l'Excalibur socialiste s'annonce féroce dans les mois qui viennent entre le chevalier Bertrand Ivanhoé et la belliqueuse Ségolène de Lorraine. Demeure néanmoins une question essentielle. Pardieu, mais qu'est-ce qu'on va faire du chevalier François Hollande ? Ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va faire de toi un homme, on va faire de toi une femme. On va t'utiliser pour des crash tests, on va te présenter à des derviches tourneurs. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres, on va détartrer tes dents. Qu'est-ce que t'as dans la tête ? On va te saupoudrer de saccharine, on va encadrer des photos dans ton salon et on va t'appeler les urgences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce que t'as dans la tête ? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est la question que se pose cet hiver le ménestrel Alistair. Mais ce fut aussi à l'automne dernier le titre de l'autobiographie de Michel Drucker, un animateur qui squatte l'antenne depuis au moins le Moyen-Âge. Thank you. Alors maintenant, à 11h44, et toujours en direct du Mangin Palace, pour continuer à festoyer dans le monde médiéval, il est grand temps de retrouver Sieur Jean-Claude et Dame Monique, qui ont vécu cette semaine une étrange aventure moyenâgeuse à Grosboules-les-Bains. En effet, Elsa, la môme de Monique et Jean-Claude, vit en ce moment une romance incroyable avec Sigismond, un ami de l'université. Et les parents de ce damoiseau ne sont rien d'autre que les châtelains du village, le comte et la comtesse Grosboulard de Pétry de Sainte-Croix, qu'en ville on surnomme les GPS. Et le week-end dernier, le comte et la comtesse ont invité Monique et Jean-Claude à dîner afin de faire connaissance. Mais avant de se rendre au château, Monique, précautionneuse, a préféré mettre en garde le Jean-Claude. Si vous voyez, de près ou loin, dame qui d'aide aurait besoin ou pucelle déconseillée, que votre aide leur soit donnée, dames et pucelles, servez, vous serez partout honorés. Mais si quelqu'une vous priait, prenez garde de l'ennuyer d'une chose qui lui déplaise. De pucelle à moult qui la baise, si le baiser elle consent, le surplus, je vous le défends. Bon, Jean-Claude n'a pas tout compris, mais l'idée même d'aller mangeailler chez des aristos médiévaux dans un château fort, en plus, ça l'angoisse vraiment, le Jean-Claude. Surtout qu'il a très bien intégré tous les clichés sur le Moyen-Âge. Des fumées noires, au ciel assassine l'été, des villes sombres, en mur des hommes prisonniers, des peurs obscures, nous viennent des autres races humaines, des bruits d'armure, résonnent encore au fond des plaines. Monique lui explique que non, le Moyen-Âge n'était pas aussi barbare qu'on le dit, et que le comte et la comtesse Grosboulard de Pétry de Sainte-Croix, même s'ils vivent encore dans un château fort, doivent être des gens bien civilisés. Monique et Jean-Claude se mettent alors en route. Ils arrivent devant les douves, et Jean-Claude sonne pour qu'on descende le pont-levis. Une fois le pont-levis abaissé, c'est la comtesse qui ouvre la herse, et devant les yeux hagards de ses hôtes, elle présente sa demeure. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage dans toutes les chambres d'amis. Il y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats gros comme ça. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage, c'est un vieux château, cerné de corbeaux, Jean-Claude et Monique se rendent compte alors que les Grosboulards de Pétry de Sainte-Croix vivent encore comme au Moyen-Âge. Et cette impression est confirmée durant la visite du château que leur offre Sigismond, le fils de la famille, peut-être leur futur gendre, un personnage qui intrigue beaucoup Jean-Claude. Il y a longtemps que vous vivez ici ? 4 siècles. Ah, quand même ! Stop ! C'est à l'endroit précis où se trouve votre pied gauche que mon grand-père a giflé le futur roi Édouard VII parce qu'il avait abusé d'une servante au service des Sainte-Croix depuis 40 ans. C'est un personnage, grand-papa, hein ? La chambre d'amis. La reine-mère et Constantin de Grèce y avaient leurs habitudes. C'est vraiment immense ici. Là, c'est beaucoup trop grand pour un homme seul. La solitude commence à me peser. En ce moment, mère me tanne. Elle veut que je me case, que j'ai des enfants. Mais allez trouver une mérovingienne aujourd'hui. Une mérovingienne ? Les Sainte-Croix descendent des mérovingiens. C'est une des plus vieilles familles de France. Une lignée de sang bleu. Je peux décemment pas épouser une Valois ! Jean-Claude se dit alors que ce n'est pas gagné pour sa fille Elsa d'être admise un jour dans cette famille d'Aristo. D'ailleurs, quand le comte lui demande son pédigré, Jean-Claude y va de bon cœur et dit que sa famille est alliée à... À sa majesté le roi d'Estonie et de Moldavie, prince d'Écosse et d'Anjou, roitelet de Touraine, neveu de Guillaume le Hutin et de Catherine l'Abeille, petit-fils de Jacques le Croquant et beau-frère des compagnons de Jéhu, scellons au plus vite notre alliance entre votre fils et ma fille. Quand il découvre cette ascendance glorieuse, le comte Grosboulard de Pétry de Sainte-Croix est complètement rassuré et il invite à sa table le preux Jean-Claude et dame Monique en s'excusant un peu de ne pas les recevoir comme autrefois. Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes. J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de Dame Flegmonde. On a dû la jeter toute habillée dans les douves qui étaient gelées. C'est toujours très pittoresque, ces histoires de famille. Ah, c'est sensationnel comme il raconte bien. On a l'impression d'y être. Mangeaillons. Alors qu'ils mangeaillent un fromage de sanglier et une cretonnée de pois cassés, Monique et Jean-Claude restent bouche bée devant tant de survivances du Moyen-Âge. D'ailleurs, Monique ne peut s'empêcher de questionner la comtesse. Connaît-elle d'autres anecdotes? A-t-elle conservé d'autres habitudes venues de l'ancien temps? La comtesse lui répond franchement que... Il y a pas mal d'années de ça, vers la fin de la guerre, j'allais au ravitaillement avec papa dans la Mayenne. On s'y est trouvé un jour pour Noël et dans la cour, il y avait un dindon. Et quand j'allais au petit coin, c'était un petit café de campagne, je passais devant ce dindon, puis il me regardait, puis il me faisait... Alors je dis, tiens, alors je l'ai regardé, je lui ai fait... Il m'a répondu... Enfin, plus fort que ça, bien sûr, mais je ne veux pas faire éclater les vitres. Mais j'avais quoi, une dizaine d'années. Et puis ça m'est resté. Puis un jour, j'ai entendu les dindons, j'ai fait le cri. Je dis, tiens, mais ça a l'air assez ressemblant. Je fais ça pour m'amuser, ce n'est pas pour la gloire. Hein. C'est parce que c'est drôle, je ne suis pas bêcheuse. Et puis depuis, ça marche. Tout de même, cette comtesse est très étrange, se dit Monique. Jean-Claude, quant à lui, n'écoute plus du tout la conversation tant son regard est attiré par un drôle de type qui se tient à côté de la cheminée monumentale. Non, ne me regardez pas de travers. L'arrière-grand-père de mon grand-père était trouvert. Or, au mépris des mœurs, des us et des coutumes, j'ai conservé son vieux costume et le feutre gris vert avec sa petite plume. Arraché, disait-il, au croupion d'un pivert. Dans notre famille, on est ouvert de père en fils. Dans notre famille, on parle en vers depuis 1436. Autant dire depuis toujours. Si l'un de nous n'était pas trouvert, c'est qu'il serait alors troubadour. Au coin d'une rue à Paris, c'est nécessaire un troubadour. Parce que ça chante les troubadours, ça chante le vin, ça chante l'amour. Le comte explique à Monique et à Jean-Claude qu'il s'agit bien entendu du trouvert de la maisonnée. Jean-Claude, ravi de cette rencontre, demande si c'est possible d'écouter une véritable chanson médiévale. Et le trouvert s'exécute sur le champ. Au bal masqué, ohé, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, de danser. Monique et Jean-Claude trouvent trop délire de se taper des barres avec leurs nouveaux potes. Enfin, sont fort aise de festoyer avec de fidèles compagnons. Surtout que le vin à l'hydromel coule à flot. Hélas, à force de goûter le vin, Jean-Claude est moins sur ses gardes et se laisse aller à la confidence quand la comtesse le questionne. Si vous aviez pu choisir l'époque de votre naissance, vous auriez choisi quelle époque ? Mais vous savez, bien souvent on me pose cette question et c'est très, très bien de répondre. J'aurais aimé être un troubadour au Moyen-Âge. Et finalement, si j'avais vécu au Moyen-Âge, vu mes origines, j'aurais été fils d'un serf ou d'un paysan et jamais je n'aurais eu l'occasion de m'exprimer. Alors finalement, je suis très bien. Je trouve que notre siècle, quand même, donne sa place à l'homme quand il a quelque chose à dire. Comment ça ? Hurle le comte, qui vient de coiffer son homme et de saisir un fléau. Jean-Claude serait donc un perfide félon, un horrible maraud. Mais Jean-Claude et Monique, qui n'ont cure d'être couards, filent alors à la Plantagenèse. De retour chez eux dans le monde moderne, Monique est inquiète car elle va devoir annoncer à sa fille Elsa que sa romance avec Sigismond est sans doute très compromise. Mais bon, Elsa, elle s'en moque maintenant du moyenâgeux Sigismond puisqu'elle vient de changer d'époque, dis donc. Sors de l'île, petite pilule de cul, poussée par le vent, je brûle, je m'enrhume. Entre les dunes repose